بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع الشرط الثامن من شروط الصلاة ألا وهو استقبال القبلة، والدليل عليه قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فهذا الشرط الثامن وهو استقبال القبلة، أن من شروط الصلاة أن يستقبل الإنسان القبلة، وخاصة في الفريضة. والدليل عليه قول الله سبحانه وتعالى بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش عاجبه يصلي البيت المقدس، فتدور عيني في السماء، فجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى: فلنولينك قبلة ترضاها، غادي نوليو قبلة عزيزة عليك وترضى بها، ألا وهي مكة. فبعد أن كانوا يصلون إلى بيت المقدس، جاء أمر الله سبحانه وتعالى فصلوا إلى الكعبة، فالكعبة هي قبلة المسلمين. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فجاء الأمر من الله أن يتجه المسلم أينما كان إلى بيت الله الحرام الذي هو الكعبة. Donc avec la huitième condition qui est le fait de s'orienter vers la Qibla. La preuve, on est dans le Coran. Nous voyons ton regard qui tourne dans les ciels, c'est-à-dire par le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons t'orienter vers une direction, vers une qibla que tu agrées. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam auparavant, il priait vers... l'obligation était de prier vers Jérusalem. Mais il n'aimait pas beaucoup parce que c'est la direction des Juifs. Il n'aimait pas. Et... Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous allons t'orienter vers une qibla que tu vas agréer, vers une direction qui va t'agréer. Donc tourne-toi au moment de ta prière vers la mosquée sacrée, c'est-à-dire vers la Kaaba. Et là où vous soyez, tournez. C'est-à-dire donnez face à la Kaaba, à la direction de la Kaaba pour votre prière. فَهَذَا الشَّرْطُ الشَّرْطُ التَّامِنُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ. استقبال القبلة واجب بإجماع المسلمين، فلا يجوز للإنسان أن يصلي لغير جهة الكعبة. وأحوال المصلي تختلف، فإذا كان في المسجد الحرام فيجب عليه أن يصيب عين الكعبة ولا يعذر في غير ذلك. واجب على المسلم يصلي للكعبة، ما كاينش ما عندوش الحق يصلي لشي ديريكسيون آخر، شي اتجاه آخر غير اتجاه القبلة، اتجاه الكعبة. وحوال الناس تختلف في قضية القبلة. إذا كنت في المسجد الحرام، واجب عليك باش تشوف في الكعبة، ديرها قدامك، ما تكون عليها على جنب ولا تشوفها، دير القبلة ديالك هي عين الكعبة نفسها. هذا إذا كنت في المسجد الحرام، وما تعذر بغير من ذلك، لابد لك ما تشوف فيها، وجه لها القدام ديالك. وأن الله عز وجل en ce qui concerne la huitième condition qui est le fait de prendre comme direction la Qibla dans la prière, ceci est obligatoire à l'unanimité. Il n'est pas permis à un musulman de prier vers une autre direction que la Qibla, que le Kaaba. Et la situation des gens par rapport à le Kaaba est différente. Maintenant, si tu es à la Mecque et tu es dans la mosquée de la Mecque, tu es obligé de voir en face de toi, de voir la direction en face de toi, directement la Kaaba, et que tu la vois. Au moment où tu rentres dans ta prière, tu regardes la Kaaba. Hein? Il soit en face de toi. Et tu n'es pas excusé en ayant une autre direction. Il faut qu'il soit... Hein? Que tu sois de ce côté-là, la Kaaba doit être devant toi. Que tu sois de ce côté-là, la Kaaba doit être devant toi. Que tu sois de ce côté-là, dans n'importe quel coin où tu es dans la mosquée, la Kaaba, il est au milieu. Hein? Que tu sois à l'est ou à l'ouest ou au nord ou au sud dans la mosquée, tu dois avoir ton regard direction et direction directement le Kaaba. Tu ne peux pas être excusé, hein, en se tournant ailleurs que vers la Kaaba. وما في غير المسجد الحرام فيكفيك الاتجاه الى ناحيه الكعبه ولا تلزم بعين الكعبه لان هذا من باب الزام بما لا يمكن ولا يطيقه الانسان ما الا كنت انت خارج على ما كنتيش في المسجد الحرام فما ملزوم باش تصيب عين الكعبه تجريها ديالك لان هذا ما يمكن لكش ولكن الناحية ديالها والجهة ديالتها خاصك توجه ليها الناحية ديالتها والاتجاه ديالها خاصك تقبضو لأنه إلا قالوا لا بد لك ما تشوف عين الكعبة هذا مستحيل ما يمكن لك انت فقط الاتجاه ديالها maintenant si tu es en dehors de la mosquée de la Mecque dans la grande mosquée sacrée ça te suffit la direction de la Qibla ici ça te suffit la direction de la Qibla du moment que c'est ça la direction ça y est c'est bon et il t'est pas obligé le fait de toucher directement l'axe de la Qibla l'axe de la Kaaba et d'être dans la direction dans, directement à 100% dans, sur la Kaaba parce que ça c'est quelque chose que tu peux pas réaliser si tu es en dehors de la mosquée sacrée tu ne peux pas le réaliser mais tu t'orientes plus ou moins vers la direction de la Qibla لا كعبة والحالة الثالثة في أحوال الناس إذا صليت داخل الكعبة تحلك الباب وصليت داخل الكعبة إلا من عليك الله سبحانه وتعالى وكنت من هذا وكل كرمه الله سبحانه وتعالى بس يصلي داخل الكعبة فتصلي لأي جهة لأي جهة غير خاصو يكون غير مسارية ديال الكعبة قدامك ولا يكون الحيط وما تصليش للعتبة ديال الكعبة العتبه لانه من وراها كاين الخوا وخاصه الا كان الباب محلول ما تصلي ليهاش لان من وراها ما كاينش ما اتجهتيش باقي للكعبه خرجتي ها فتصلي الى فوسطها ساريه تصلي لهذيك الساريه تصلي للحيط ديالها يا فهاد الجهه يا فهاد الجهه يا فهاد الجهه اي جهه صليتي المهم تصلي لشاخص حيط ولا فيها هذا اي جهه صليتها الا العتبه ديال الكعبه لانه تيجعل بانه من ورا الكعبه كاينه شي حاجه كاين على برا ديال الكعبه وهذه قال العلماء لا يصح في العتبه ديالها ففي داخل الكعبه للانسان ان يصليها كيف ما شاء هذا الحيط ولا لهذا الحيط ولا لذاك الحيط ولا لذاك الحيط فقط العتبه ديالتها لا maintenant une troisième situation vis-à-vis de la qibla Si Allah subhanahu wa ta'ala est accompli de ce bienfait, c'est de prier à l'intérieur de la Kaaba. S'il y a un poteau de riz, il y a des piliers dedans, tu pries directement au pilier, n'importe lequel. Mais le pilier il est en face de toi. Ou tu pries à l'un des murs de la Kaaba. Le mur de droite, le mur de gauche, le mur de derrière ou l'autre mur. Une seule chose que tu ne dois pas faire, vers le seuil de la Kaaba, surtout si la porte elle est ouverte, vers là. Le seuil, la porte de la Kaaba, là tu ne fais pas. Parce qu'il va y avoir quelque chose derrière la Kaaba. Tu auras quelque chose, autre chose derrière la Kaaba. Ce n'est pas la Kaaba que tu auras en face. Alors que si tu pries au mur, c'est différent. Si tu pries au pilier, c'est différent, etc. Dans n'importe quelle direction que tu prends là. Et tu évites tout simplement, dans la parole authentique des hommes de science, tu évites le seuil de la Kaaba, c'est la porte d'entrée. Tu évites. C'est tout. Mais dans n'importe... Hein? Là, c'est là, mettons que ça c'est la Kaaba. Tu vas à ce mur qui est en face de toi, tu pries. Il n'y a pas de problème. Tu pries dans ce sens-là, le mur qui est derrière moi, c'est la même chose. Celui qui est à ma gauche et tu le prends comme direction, c'est la même chose. Celui qui est à ma droite, la même chose. Ce pilier-là, tu le prends en me faisant face, il n'y a pas de problème. Tu le prends en me donnant le dos, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce que tu es à l'intérieur. Et tu as quelque chose devant toi. Mais le seul qui est la porte, l'atba a dit, non, les hommes de science disent non, parce que tu vas avoir quelque chose qui est derrière. Et en dehors de la Kaaba, la porte comment ? Il faut avoir la direction. La direction, tu t'orientes plus ou moins vers la direction de là. Et maintenant, alhamdoulilah, avec les mesures maintenant, c'est, ah, on a la direction. Ah, avec les degrés et tout ça, on arrive à avoir la direction directement. Alhamdoulilah. À l'extérieur, quand tu dors, tu peux aussi, juste avec un petit peu, en faisant très attention. Tu vois, par exemple, vous voyez maintenant pour à vous, ici à la gabelle, si vous allez voir vers le camion de Hicham, vous voyez le camion de Hicham, derrière lui, toute cette direction-là, c'est la direction de la Qibla. Pourquoi ? Et si vous êtes continu, pas comme aujourd'hui, il n'y a pas de nuage, vous regardez derrière, il va y avoir trois étoiles qui font ça. Dans l'horizon, tu le vois, ils font ça. Comment une, pas en forme d'arc, mais une est à côté de l'autre, avec un espace qui est très réduit. Peut-être un mètre, peut-être un peu moins. Trois, l'une derrière l'autre. Ça, c'est la direction de la Qibla. Et c'est comme ça que les militaires musulmans s'orientent dans le désert pour la Qibla. Et c'est comme ça aussi que les marins aussi s'orientent. Et dans le même axe, tu vas voir trois étoiles qui sont dans le ciel, dans l'autre sens, l'une derrière l'autre, mais qui vont très loin. Il y a une là, l'autre au plus lointain, l'autre, ils sont dans le même axe, ils sont dans l'axe des petits, des trois qui sont en face de toi. Et qui sont dans le même axe de celle-là, de la Qibla que vous avez ici. Hein? Donc dans la nuit, tu peux aussi, sans problème. Dans les cas de l'air, فعندك النجوم ممكن تصيب عينك تصيب الاتجاه ديال القبلة مثلا انتم في لاكابيل الا مشيتي حدا الكاميو ديال هذا اللي تيدير السندويشات هشام راه تتبان لك ثلاثه النجوم وحده وما بيناتش بينهم اتساع الله اعلم الا بينهم كاع كل المساحه اللي قابلتين متر ولا اكثر على بالشوفه اللي تتشوف فهذوك ثلاثه وحده هذوك راه اتجاه ديال القبله وبها باش تعرفوا العسكر في الصحراء تعرفوا الاتجاه ديال القبله وفي نفس الاتجاه ديالهم من اللور كاين ثلاثه نجوم متابعين وقابتين السماء في الطول ديال السماء هكا في الاتجاه ديالهم نيت معاكس في الخط الاخر هذه وحده والاخرى بعيده منها والاخرى بعيده منها وهما في خط واحد فهذا الاتجاه ديال القبله الا كنتي في البحر بهذا تشوف الا كنتي في الصحراء بهذا تشوف ها والحاصل انك فين ما كنتي دروكا القضيه سهله دروكا حتى ولاو البوصلات وداك الشيء الكترونيك دغيا تتوجه راسك للقبله بدون مشكل كذلك الانسان اذا كان في الحرم ان يصلي في الحجر العوام تتسمي هذا الحجر الحجز اسماعيل وهذه سمه غير صحيحه انما هو الحطيم او الحجر اما حجر اسماعيل فهذا التسميه ديال العوام تيقولوا هذا حجر اسماعيل ها والحجر ماشي هذاك الشيء اللي تشوف كله ماشي هو الحجر الحجر العبار ديالو سته الدروعه فقط سته ديال الدروعه فقط اما هذاك الشيء فيه اكثر من الحجر ها فلهذا الا كنتي تما وكان بنادم قليل تحاولي الا بغيتي تصلي في هذاك الحجر تما تصلي في قل من سته الدروعه ما تفوتش سته الدروعه اللهم انا ما باقيش انت في الكعبه لان الحجر من الكعبه ها فالا خرجتي على سته الدروعه ما دخلتيش في الحجر والمسافه اللي داير بها الحويط هذاك راه اكثر من سته الدروعه انت تحاول تكون في سته الدروعه لداخل باش تحصل فيها بانك صليتي في الكعبه و سي تي بو بري دون سي كيلز ابيل لو كومان ايز ابيل حجر اسماعيل سو سي سي تي اون ابيلاسيون مي اون رياليتي سابيل الحطيم والحجر تو سامبلومون اي تي فوا ان بتي موري اون فورم دو دومي سيركل كوم سا ا ليكستيريور دو لا كعبه يا ان بتي ديستانس لدون Cette distance qu'il y a ne fait pas partie toute de la Kaaba. Parce que cet endroit-là, il y a une partie qui fait partie de la Kaaba. C'est six coudées comme ça. Ils font partie de la Kaaba. Donc, si tu as l'occasion qu'il n'y a pas beaucoup de monde et que tu pries fil hijr, essaye que ta prière soit à l'intérieur des six coudées pour avoir prié dans la Kaaba. Et non pas en dehors des six coudées parce que tu ne vas pas y être dans ces cas-là. Hein? وا الصلاة في الكعبة داخل الكعبة هذا من السنة صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبتها عائشة وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرة مرة تيطران هذا تيحلو مرة مرة وكين بعض الناس تدخلوا تيصلي le fait de prier à l'intérieur de la Kaaba ça ça fait partie de la sunna le prophète l'a fait Aïcha a demandé au prophète alayhi salatu wasalam et le rasoul sallallahu alayhi wasalam a approuvé sa demande et des fois aussi ça arrive que tu arrives ils ouvrent et tu es là et tu rentres tu pries ça peut arriver c'est arrivé à certaines personnes Allah subhanahu wa ta'ala l'a prévu pour certaines personnes ils sont là au moment où ça s'ouvre ils ont pu rentrer et prier وهذا الذي قلنا أي لا بد أن تستقبل القبلة فهو للفرض والنفل في النافلة والفرض وجوب جل استقبال القبلة إلا إذا كان المصلي في سفر وأراد أن يصلي نافلة فإنه قد جاءت في السنة أنه إذا كان يصلي فكيفما اتجهت به دابته صلى وهذا في الدابة ماشي عندك دروك انت دابا الا كان الانسان مسافر على الجمال ولا كذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في صلاه النافله توجه النقد ديالو للقبله وتيكبر وتيطلق لها ديك الساعه وفين ما مشات تيبقى تيصلي واخا انحرفت على هذا هذا في النافله فان الله عز وجل يوسي لو فيت دو سوريونتي فيغ لا قبله سوسي سي بور لي بريير اوبليغاتوار اي سيروغاتوار Sauf si la personne est en voyage, il veut faire des interrogatoires. Il nous a été rapporté dans la sunna que le prophète alayhi salatu wasalam priait vers n'importe quelle direction que prenait Chachamel. Mais avant de rentrer dans la prière, le prophète il s'orientait avant de dire Takbirat al-Ihram, il s'orientait vers la Qibla. Et après, là, Chachamel, Chachamel part, et lui il est en train de prier. L'an, hal yushtarat, أن يبدأ الصلاة الإنسان الصلاة متجها إلى القبلة ثم بعد ذلك لا حرج إذا اختلف الاتجاه في هذا خلاف بين أهلين الآن واش تيشترط عليه إلى بدأ الصلاة ديالو متجه للقبلة يكملها كلها في القبلة ولا إلى انحرفت به الدابة ديالو لا ما كاين مشكل هذا في خلاف بين أهلين وجان بعض العلم أن الإنسان إذا ابتدأ حيثما توجهت به أي من غير القبلة فإن الصلاة والله تعالى أعلم أصح صحيحة على قول بعض أهل العلم وهذا طبعا فقط في الصلاة النافلة فوق الدابة لكن الأحوط يقول أهل العلم أن يبدأها متجها إلى القبلة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك أينما اتجهت به يفعل بعض العلماء كانوا يقولوا أنه ولو في النافلة حتى لما اتجه للقبلة وبدأ الصلاة ما فيه إشكال ولا بدأها هو متجه للقبلة وفين مضرت به البهيمة ديالو على شرك ما كاين مشكل لكن أهل العلم يقولون أنه الأحوط له يبدأها هو متجه للقبلة وديك الساعة فين مضرت الدابة ما كاين مشكل دروكا وانت عندك الطوموبيل دروكا وقام تلفونه اش دير اش تصلي تقبت لو تورود كي دير تصلي ما تصليش اخي انت في خطر وغادي تسب الناس تهلوكه ديك الحضره ديال الراس وطلع الراس كي بغيتي تصلي غير براسك وكذا هذه تقدر تخرج على راسك وتخرج على دوك اللي راكبين وتخرج على اللي من وراك فإذا كانوا الناس اللي راكبين معاك يصليوا النافله في الطوموبيل ما فيه اشكال ولكن انت اللي قبت القيدون عندك تخرج على الناس تخرج على نفسك لانه مامور بان لا ما تلقيش نفسك الى التهلكة وهذا واجب وما تقدم السنه على الواجب تتقدم الواجب على السنه اللي حداك واللي من وراك الاولاد والعائله وداك الشيء ولا دوك اللي مسافرين معاك ما كاين مشكل يصليو ولكن انت لا لان الواجب عليك انك ما ترمي نفسك للتهلكة وهذا واجب والصلاه النافله هذه سنه فما تقدم لنا السنه على الواجب وتخلط الامور لا فهنا الله عز وجل اسكو maintenant quand tu commences il est obligatoire est-ce que c'est une condition de commencer sa prière en étant en direction de la qibla quand c'est tu es sur une monture sur un cheval ou là sur un chameau ou autre il y a une divergence entre les hommes de science Certains nombres de sciences disent, s'il commence même sa prière surrogatoire, sur sa monture, dans une autre direction que la direction de la Qibla, il n'y a pas de mal. D'autres disent non, il vaut mieux qu'il la commence en direction de la Qibla, et là où tourne sa monture après, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu n'as pas de monture, toi tu es en voiture, et tu prends l'autoroute pour aller vers le Maroc. Tu pries? Tu surrogatoires dedans? Non, tu ne pries pas. Parce que là, c'est une sunna que tu vas faire. Par contre, il est obligatoire que tu te préserves, que tu te fasses pas du mal, et que tu ne fasses pas du mal à ceux qui sont dans la voiture et à ceux qui sont à l'extérieur de la voiture. Donc tu ne vas pas mettre en avant une sunna et laisser une obligation. Tu dois mettre en avant une obligation, qui est le fait de te préserver, et de préserver ceux qui sont dans la voiture et ceux qui sont à l'extérieur. Toi, en tant que conducteur, parce que tu ne peux pas te concentrer, tu baisses la tête pour recoil, tu lèves la tête, tu lis, etc. Quand est-ce que tu vas? Tu passes tes vitesses comment? Parce que la monture, elle, quand c'est le cheval, le mulet, ou la chamelle, tu lâches les rênes et puis il va où il veut. Mais là, c'est toi. Comment? Mais par contre, ceux qui sont avec toi dans la voiture, il n'y a pas de mal. Ils prennent le surrogatoire, ce n'est pas un problème. Mais toi, en tant que conducteur, non? Tu ne joues pas avec ta vie et la vie des autres. Hein? Et avec ceux qui sont à l'extérieur aussi. Hein? Donc il y a des choses qu'il faut savoir comprendre. Tu peux pas, t'as pas le droit de mettre une sunna devant une obligation. C'est l'obligation qui passe avant la sunna. Hein? كذلك الشرط التاسع والأخير في الصلاة وغيرها من العبادات هو أمر النية ومحلها القلب والتلفظ بالنية بدعة والدليل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فباش تنوض انت وتقول نويت الوضوء ولا نويت الصلاة ديال العصر وراء كذا أربعة الركعات وكذا كل هذا خليه النية ديالك هو القصد وما تلفظ بها ما تقول حتى كلمة لأن التلفظ بالنية ديال الوضوء ولا ديال الصلاة ولا ديال أي عبادة هذا من مبتدعات الأمور والنية المحل ديالها القلب فقط الله عز وجل la dernière condition de la prière c'est l'intention et la place de l'intention c'est le cœur et le fait de prononcer النية c'est une innovation ne prononce pas je vais faire la prière je vais prier 4 pour le dohar ou là je vais faire l'odo là l'intention pour les adorations c'est le fait d'aller vers ça y est et l'intention ça place le cœur la preuve comme quoi l'intention est une condition de la prière c'est ce hadith du prophète alayhi sallam qui dit certes les actes ne valent que par leur intention فَلَا تَصِحُ أَيُّ عِبَادَةٍ بِدُونِ نِيَّةٍ les hadiths إنما الأعمال بالنيات وقال العلماء رحمهم الله لو كلفنا عملا بدون نية فقد يكون من باب تكليف الإنسان ما لا يطيق لو كلفنا عمل بدون نية ما عندناش فيه قصد ها شكون اللي ما عندوش القصد داكشي اللي تيدير الدري الصغير اللي ما تيعرف والحمق هذا اللي ما عنده القصد ولا داك اللي ناعس يجيه مشات واش هو قصد باش يجيه تمشي والو هذا تيقول العلماء لو كلفنا الله سبحانه وتعالى بشي عمل ما عندناش فيه النية فهذا غادي يكلفنا بشي حاجة اللي ما نقدروش عليها لأن أي حاجة تديرها إلا وأنت قاصدها خشي من الدار قاصد تدخل أنت الخروج من الدار مشيتي الروبيني باش تقل ما قاصد أنت باش تقل ما باش تغسل يديك ولا باش توضى فهنا الله عز وجل pour toute adoration c'est une condition là l'intention Et l'adoration ne saurait pas être authentique et valide s'il n'y a pas l'intention dedans. Parce que le hadith est avec nous, certes, les actes ne valent que par leurs intentions. Certains hommes de science disent, s'il nous a été fait obligatoire des actes sans l'intention, ça serait nous imposer quelque chose que nous ne pouvons pas. Qui fait les choses sans l'intention? Celui qui dort, par exemple. Sa main, il se balade partout. Il tape même. Est-ce qu'il a voulu taper? Non, il ne sait pas. Il est en sommeil. Qui fait les choses sans avoir une intention? Sans but. Le fou, le petit garçon, le petit deux ans, un an, il fait des choses. Est-ce qu'il a un but dans la chose qu'il fait? Non. Hadoui. Mais quelqu'un doué de raison et sain d'esprit. Hein? Et qui discerne les choses, il fait les choses, il a un but derrière les choses. Quand tu te lèves pour sortir de la maison, tu as une intention de sortir de la maison. Ton but, c'est de sortir de la maison. Quand tu vas dans la salle des ablutions, là dans la douche, tu verses de l'eau. Tu prends l'eau, tu as un but. Tu prends l'eau pour te laver, te rafraîchir ou pour faire l'eau d'eau. Donc, si Allah il nous a imposé de faire des actes sans l'intention, ce serait nous imposer quelque chose d'impossible que nous ne pourrons pas faire. Parce que dans chaque chose que nous faisons, du moment que nous avons notre raison et qu'on décerne, on a un but. On veut avec quelque chose. والنيات هي القصد أن تقصد الشيء وأن تقصد العمل وبها تميز بين فرض وفرض وبين فرض ونفل النية هي القصد ديالك تقصد لهذاك العمل باش ديره وبالنية تتميز بين صلاة الظهر وصلاة العصر وبين النافلة وبين الفرض l'intention c'est ton but dans un acte. C'est le vouloir de cet acte. Et c'est avec l'intention que tu fais la différence entre une obligation et une autre obligation. Entre une obligation entre Dor et l'Asr, par exemple. Et le Maghrib et l'Isha, et autres. Et tu fais aussi la différence entre l'obligation et le surrogatoire. Hein? Wa la yajouzu abadan talafud bin niya. Inna hada bid'atun wa muhdatha. لقوله عز وجل أتعلمون الله بدينكم أتعلمون أنت بتتعلم الله عشان تدير تقول الله أنا بدي نصلي ولا أنا بدي نصوم أبدا ها؟ فما تلفظ بها تبقى ذاك الشيء كله في القلب ديالك تتميز بين الظهر وبين العصر في القلب ديالك تتميز بين النافلة والفرض في القلب ديالك كاع ذاك الشيء اللي تدير كله القصد ديالك تيبدا من القلب فهون الله عز وجل il n'est pas permis de prononcer l'intention. C'est une innovation. Et il est dit dans le verset, est-ce que vous apprenez à Allah, subhanahu wa ta'ala, votre religion, ce que vous allez faire? Allah, il sait, avant que toi tu existes, 50 000 ans avant la création du ciel et de la terre, il sait que Allah, subhanahu wa ta'ala, ce que tu vas faire. Donc toi, tu vas apprendre à Allah ce que tu fais, en prononçant, en disant, oh, hein, je veux prier l'asr 4 qa'at derrière l'imam tel à la mosquée de la Gabelle ou à la mosquée de Tahna ou tout autre. Là, donc tu ne prononces pas. Hein? Ton intention, elle est dans ton cœur. Hein? Allah, il sait que tu veux faire la prière, que tu veux faire le fait de faire la prière. À qui tu l'annonces quand tu dis je veux faire ça la place? À qui tu l'annonces? Allah, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu فتلفظ الإنسان بالنية هذا من لعب من العبث ولم يكن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان يقول أنا بدي نصلي العصر بعض ركعات لا هذا رأي اللعب هذا أتعلمون الله بدينكم وهذا ما كانش من سنة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة ولا ولو الفيد دو برونسي لانتونسيون دو لاكت كو تي فا فير سي ان جو Tu es en train de jouer. Et ça, ça ne fait pas partie de la sunna du prophète, ni de la voix des compagnons de Allah. Allez. Tu vas annoncer à Allah subhanahu wa ta'ala ce que tu fais. وَهُنَا أَمْرُ الْمُهِمِ يَجِبُ أَنَّ تَنَبَّهَلَ بِتُلِيَ بِهِ بَعْضُ النَّاسِ وَهُ مِنَ الْوُسْوَاسِ في الوسواس تيجي بعض الناس تي يدخل عليه الشيطان وتيشككهم دائماً يكون عندهم شك في الأفعال ديالهم ترى مسكين دخل معاك في الصف واش كبرت ولا ما كبرت الإحرام ما عرفته الزيدين نزلها ما عرفت ما عرفتش وشك فهذا من الوسواس اللي تيدخل الشيطان بي تيدخل فيه على الإنسان وهذا من الأمور الخطيرة تيجي الإنسان في الوضوء وتيجي في الصلاة وهذا خاص الإنسان يحتاط منه ويهرب منه. Il y a des choses sur lesquelles il faut attirer l'attention. Ici, certaines personnes sont éprouvées par ce qu'on appelle l'ouswas, les insinuations du shaitan. Peut-être que tu l'as remarqué que certaines personnes rentrent dans le rang de la prière et ils ont des doutes. Et shaitan vient s'accaparer d'eux. Est-ce que j'ai fait kbirat l'ihram ou là là? Et tu le vois le pauvre Allah. Et tu vois, il recommence, etc. Et tout ça, c'est mina shaitan, il faut s'en éloigner. Certaines personnes, ça leur arrive aussi dans le dos. J'ai lavé la main ou je ne l'ai pas, et ils recommencent. Et ainsi de suite. Et ceci, il faut s'en préserver. Badna, c'est ce même Allah. وتيعاود الله ربما كاع الله اكبر وتيعاودها مرات ومرات ويعاود رجع ويعاود مسكين certaines personnes qui longtemps il dit des fois Allah peut-être des fois même il dit الله اكبر et il revient الله اكبر et il revient plusieurs fois parce que الشيطان il est en train de le cartonner le وسوس بل يحدث بعض العلم انه دخل الى مسجد مره بعد اقامه الصلاه فكبر هذا العالم وبجانبه شخص لم يدخل إلى الصلاة إلا بعد أن قام الإمام وبدأ في القراءة في الركعة الثانية هو تقلب على الله أكبر دياله الله أكبر الله واش قلتها ولا ما قلتها هو غادي والناس صلوا الركعة الأولى وكملوا لها وطلعوا وبدأ الإمام تقرأ في الركعة الثانية عاد هو مسكين الله أكبر وقت ما حاول باش يكبر باش يدخل تلعب به الشيطان تجيني الوسواس Certains hommes de science ont rapporté, il est rentré dans une mosquée, au moment où l'imam allait faire tkbirat l'ihram pour la prière, il avait quelqu'un à côté de lui, il disait Allahu Allahu Allahu Akbar. Et il est resté dans ça, Shaitan il jouait avec, et les gens, avec l'imam, ils ont fait la première arkaat, ils ont terminé la première arkaat, ils se sont levés, et l'imam a commencé à lire pour la deuxième arkaat, et à ce moment-là, il a attrapé Allahu Akbar, il a pu rentrer dans la prière. Tout ça le jeu du shaitan. والانسان اذا كان في هذه الحاله واذا نظر اليه بعين القدر فانه يحزن عليه انسان اذا كان في هذه الحاله وشتيه بعين القدر خاصك تحزن ليه مسكين والمبتلى بهذا الوسواس يوصى بامور Et quand la personne est ainsi, agit ainsi, éprouvé ainsi, quand tu le regardes avec l'œil du destin, tu dois être triste pour lui. Et celui qui est prouvé comme ça avec le ouswas, il faut qu'il agisse ainsi. Il y a des choses qu'il doit accomplir. Mais ma yousa bihi al-mubtaluna bil ouswas, an yalja'u ila Allah subhanahu wa ta'ala fi ad-du'a. Fahada al-bala' alladhi ibtuliya bihi, la yaqdir ala kashfihi illa Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك أن يعلم الإنسان أن هذا الذي يفعله ليس بعمل شرعي بل هو واقع في معصية كونه يكبر ويرجع يكبر ويرجع كلما فعل شيئا سواء في الصلاة أو سواء في الطهور يعيد فهذا وقع في المعصية يجب أن يعلم الإنسان ليس يكون مبتلى بهذا خاصك في الوصية باش أمره باش أنه يتضرع الله سبحانه وتعالى يطلب من الله سبحانه وتعالى يشفيه من هذا إنه ما يمكنش اللي يخرجه من هذاك الابتلاء وما ذيك الحالة اللي هو فيها إلا الله سبحانه وتعالى وتعلم كذلك تبين له بأن هذاك الفعل اللي تيدي تكبر وعاود يرجع ويكبر وتعاود تعاود نضو ويعاود هذا ليس بعمل شرعي بأنه في المعصية عاود وعاود وعاود توقف من شوية المعصية كلما جاء الوسواس تعاود فهذا لا فخصو يعرف بان هذيك معصيه وخصو يلتج الله سبحانه وتعالى يشفي من هذاك الابتلاء la première des choses qu'il faut conseiller ce genre de personnes c'est qu'ils doivent s'orienter vers Allah سبحانه وتعالى faire dua pour qu'il les guérisse parce qu'il y a que Allah سبحانه وتعالى qui peut les sortir de cette situation qui est énorme Et tu dois lui faire apprendre aussi qu'il doit comprendre que le fait d'agir ainsi, c'est une désobéissance. Et que ce qu'il fait n'est pas un acte légiféré. Le fait de dire Allah Akbar et de recommencer, Allah Akbar et de recommencer. Ou là, il lave ses mains, après le soir s'il arrive, et il revient, il relave ses mains, et ainsi de suite, etc. فتجد الإنسان هذا المبتلى تتردد في التكبيرة ديالو تتردد في الوضوء ديالو قريت الفاتحة ولا ما قريتها تعاود مسكين تضيق الله من اللي خرجت مني شي حاجة ويعاود الوضوء ويعيد الصلاة تلقاه في حالة مسكين تبكي ليه لأنه معدب راه معدب ها الله عز وجل تشوف سيغتان الله سبحانه وتعالى يسون تيبروفي يسون دون اون سيتياسيون دو فاتيغ que ce soit au niveau de leur psychique ou à tous les niveaux. J'ai dit Allah Akbar ou je ne l'ai pas dit? J'ai lu le Fatiha ou là je ne l'ai pas? Tu vois, il recommence le Fatiha. J'ai fait le dos ou pas? Là, peut-être il y a quelque chose qui est sorti. Et vas-y, et ça recommence. L'odo, il recommence ça là, etc. Et donc, il est dans une situation déplorable. Katir ma tantahi, bihada ulay al muswasin, tak sala. Katir minno, fum tam hafadat al Quran, hafadat al hadith, tkhal alayhum al muswas, khullahu al sala. L'amr sa'ab dit al muswas. Et souvent, certaines personnes qui sont éprouvées ainsi délaissent la prière. Ils sont fatigués moralement, etc. Ils délaissent la prière. Même, il y a eu certains mémorisateurs du Coran et du Hadith, ils avaient une part de science et Shaitan s'est accaparé d'eux au niveau de l'ouswas, au niveau de l'odo. Ils ont laissé la prière. Ils ont laissé la prière. Pourquoi? Parce que c'est une situation très difficile psychologiquement, et ça pèse sur la personne. L'insan t'a dit qu'il y a un peu de salat, il y a un peu de salat, il y a un peu de salat, il y a un peu de salat. C'est un peu de salat. Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a un peu de salat, il y a un peu de salat. يعاون نفسه يطلب من الله سبحانه وتعالى ويعاون نفسه باش يخرج من هذه الحاله هذه. Ce genre de personnes, ils sont dans une situation psychique qui est difficile, constante, chaque fois et à l'heure de la prière, pour eux c'est la perturbation psychique. Très dure comme situation dans laquelle ils se retrouvent. Et dans des angoisses et ils ont des soucis. À chaque arrivée de l'heure de la prière, ils ont des soucis. Shaitan il fait son travail. Et ce genre de personne doit s'orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala pour le délivrer de cette situation et qu'il sache que ce qu'il est en train de faire n'est pas permis. Recommencer les actes ainsi n'est pas permis. Taniyan kadalik yajibu an ya'mal bi qa'ida fiqhiyya muhimma qa'ida fuqaha rahmatullah alayh taqul la ihtiyata li muwaswas la ihtiyata li muwaswas bima'na ان الواجب عليه الا يحتاط. القاعده عند الفقهاء تقول هذا اللي عنده الوسواس ما خشوش يحتاط. يقول انا نعاود الوضوء لانه ما عرف. لا ما تحتاط لانه هذاك الاحتياط ديالك تيدخل عليك الشيطان وتغلبك. فلا احتياط لموسوس. هذه القاعده. دوزيامو يفو كيلا برين سيت ريغل كون انستوري لي جيروس كونسولت كون يا با بريكوسيون شي كلكان كي اتان دي وسواس. Il ne doit pas prendre des précautions. Je refais le dos pour être sûr. Là. Parce que si tu agis ainsi, tu ouvres la porte à Shaitan et tu lui donnes le pouvoir pour qu'il s'accapare de toi et qu'il te détruit psychologiquement. Donc, le fouqa, on dit, il n'y a pas de précaution pour quelqu'un qui est atteint du ouswas. Fal mubtala bil ouswas, yajibu alayhi shar'an, adam l'ihtiyat. Hada li btala bil ouswas ou fil ouswas, marchou shihtat. لأنه تتأدب وتتحكم فيه الشيطان. Au niveau de la législation, celui qui est prouvé avec le ouswas, il n'a pas à prendre des précautions. Parce que ça le détruit. Ça lui rend la situation difficile. Et ça lui rend l'adoration très difficile. Donc il n'a pas à prendre des précautions. Et là, le shaitan t'hésite bien. Ou t'hésite à l'aider, l'adab ou le mashqa. Mais il n'y a pas de shaitan t'hésite à l'aider. ترجع هو تقولها الله اعلم الى خرجت شي حاجه ترجع تيطد واحد الوضوء ايوا وملي تيكمل هذاك الوضوء لا لا لا خرجت مني شي حاجه تيعاود تلقى تيعاود يشرب. وكان عندي واحد الشاب في الشمال كان بعض اخواتي يمشيو يخرجوه من تما زيد مضي صلاه النبي ساعه تيبقى بين المرحاض والبلاصه ديالو حتى الشوابن كانوا تيهلكوه بالكلام. علاش يقول تيضيع الماء بزاف؟ هو مسكين مبتلى. ملي تيجي كاع ملي تيجي تلقاه فازق من راسه حتى رجليه تيدخل وباقي تيقول لك راه ما موضش خرج مني شي حاجه مشى بغى يخرج ليه عقله مسكين. ولكن الله سبحانه وتعالى شفاه وعافاه. الله عز وجل باسكو سولوي كي يبروفي كوم سا افيك الوسواس الشيطان لو بوس يلوي اوغمونت لا ديفيكولتي يغونتر. Il a fait le dos. Et au moment de sortir de la salle des ablutions, ah, il y a quelque chose qui est sorti. Non, j'ai oublié ça. Et il recommence. Et à la fin de cette deuxième fois, le shaitan il vient. J'avais un jeûne au nord. Il restait une heure entre les toilettes et là où il doit faire ses ablutions. Des fois, il y a des frères qui ouvrent la porte des toilettes, viens faire la prière. Et c'est tout. Et ça restait avec lui plus de deux ans. Des fois, il arrive de la salle des ablutions, il est rentré avant l'adhan, et nous, on a dit salam alaikum, il vient d'arriver. Je vois, il est mouillé de la tête aux pieds. À tel point que les darons de la mosquée, comme si un jeune converti s'acharnait tout sur lui. Il dit gaspille de l'eau, tatati, tatati. Il ne savait pas ce qu'il a. Non, il était éprouvé avec le ouswas. Shaitan le cartonnait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des efforts faits, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a sorti de cette épreuve. Mais il était, une fois, il est venu chez moi, il a dormi chez moi. Tout ce qu'il y avait comme papier de toilette, il l'a mis. Quand on est porté à Salat al-Fajr, je ne sais pas à quelle heure il s'est réveillé. Quand on est parti à Salat al-Fajr, moi, je n'ai pas fait le dos dans la salle de bain, j'étais dans la cuisine. Mais je parle. Ma femme, il a dit, mais qu'est-ce qu'il a ? Elle dit, va, viens voir. Du papier partout. هو باش نمشيو لصلاه الفجر انا تبدل في هذا بقيت فيقت شويه بكري وبقيت انا في جهه الكوزينه تبدل في الكوزينه وبقيت انا نمشي الله انا ما ديت ما جبت خرج جريته معايا الله نمشيو نصليو نمشيو ملي جيت المراه ديالي جات قالت لي اش حسن مشتياش كاين كاش كاين قالت لي اش تشوف كاع داكشي اللي كاين في القاعه ديال الطواليت كلشي ملوح في الارض والماء ما تقدر عمري اش نديرو ما عندك ما دير ها وكان ظريف مسكين شاب صغير عنده ديك الساعه 19 سنه وقعد فيها هذاك الشيء تقريبا سنتين حتى ولات عنده 21 سنه الحما Donc il faut s'orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on ne soit pas éprouvé ainsi, parce que c'est très dur. Beaucoup qui ont laissé la prière à cause de ça. Faïda ja'aka ash-shaytan ba'da an tusalli ou la ba'da an tatawadda qala kara ma kabbertish ma qritish al-fatiha ma tsannitlish ou la yqul lik raha khrajat minnak shi haja shi riha ou la shi laqta ma tsannitlish في القدر اللي يجعل هذا اللي داخل الوسواس هذاك الشيء اللي دار هو اللي واجب عليه ولو مثلا ما غسلش ليه ولا ما غسلش يديه داك الشيء اللي واجب عليه انه هو مسوس ما عندوش لا شيء ديال الاحتياط خاصو يخرج نفسه من هذاك ها فاللي دار من العباده ديالته ها ما عندوش على شي احتياط ولا يعاود باش يسلت من يد الشيطان باش يبدا يتهرب يفلت ليه Donc, ce genre de personnes, quand ils font leur prière, par exemple, et que Shaitan vient les voir, il faut leur conseiller ainsi. Et que Shaitan vient les voir, il dit, tu n'as pas fait de Kibirat al-Ihram, tu n'as pas lu le Fatiha là, il ne doit pas écouter. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Hein? Ou Shaitan vient, tu n'as rien fait des actes de la prière. Là, il ne l'écoute pas. Ce qu'il a fait, c'est ce qui est obligatoire pour lui. Ce qu'il a ramené comme acte, même s'il n'a pas fait. Ce qu'il a ramené comme acte, puisque c'est un mouswas, c'est ce qui est obligatoire pour lui. Hein? Et les hommes de science disent, même s'il a fait peu d'actes, du moment comme quoi il est mouswas, il n'a pas à prendre de précautions, parce que ce qu'il a fait, hein, c'est ce qui est obligatoire pour lui. Et ce n'est pas une situation normale. Donc, il ne faut pas qu'il écoute le ouswas de Shaitan pour s'échapper petit à petit à l'emprise de Shaitan. Ou ida stamar l'insan tehreb min l'ouswas ou mouti yakhoud l'ahtiyat ou te yista'an b'Allah subhanahu wa ta'ala fa bil isti'anat b'Allah subhanahu wa ta'ala thumma ba'da dhalik ma yadkhulch ibda tehreb min hadhak l'ouswas ou ma yajmelch b'l'ahtiyat bi'idni Allah azza wa jal hadi tfuk minno العلم تي امره باش ما يحتاط ان الاحتياط ما تيكونش لواحد اللي عنده الوسواس اي سي لا بيرسون مانتنو ابريز افوار دوموندي الله سبحانه وتعالى دو لو غيرير دو سيز ايبروف اي Et puis, en agissant comme, en prenant ces étapes que les hommes de science ont données, qui ne doivent pas prendre de précautions, qui ne doivent pas écouter le soi, etc. Et qui ne doivent pas prendre des précautions, Bidnillah Azza wa Jal, il va être guéri. Petit à petit, il va sortir de l'emprise d'Ir Shaitan. Hein? Parce que celui qui est éprouvé par le waswas n'a pas à prendre des précautions. فمن أصيب بالوسواس لصب الوسواس في الطهارة ديالو ولا في الصلاة ديالو عافانا الله وإياكم ربما يوصل به الوسواس يطلق المرأة ديالو ها تتلقى واحد تيقول أنا طلبت من مرتي كاس ديال الماء وتيجي الوسواس يقول لي واش ملي طلبتها وما جابت به واش طلقتها ولا ما طلقتهاش واش قلت لي أنت طلق ولا لا تيتوسوس الإنسان تيولي تيوصل في حالات يا لطيف راه الوسواس راه ماشي امر سهل قد يا طب الله سبحانه وتعالى العافيه الله سبحانه وتعالى ها ولتج الله سبحانه وتعالى وما يبقاش يتصنت الوسواس الامام احمد كان تيقول الى جاك تلهى عليه بشي حاجه اخرى بدل داكشي اللي تديرو تلهى عليه بشي حاجه اخرى ها لان الله عز وجل زون دو سيونس دوموند ا سولي كي يبروفي افيك الوسواس دو نو با بروند دو بروكوسيون كونت كيلكان ك الله سبحانه وتعالى نو بريزيرف توس Et est éprouvé dans sa prière, dans l'odo, dans Tahara, avec quelque chose de ouswas. Rah, des fois l'ouswas il peut amener la personne au divorce. Des fois tu es celui qui est l'ouswas, il demande un verre d'eau. Et ces situations ont été exposées aux hommes de science. Il demande un verre d'eau à sa femme. Peut-être que la femme s'est retardée, etc. On ne l'a pas entendu. Et il commence à se poser la question. Je l'ai divorcé ou je ne l'ai pas divorcé? Je l'ai divorcé ou je ne l'ai pas divorcé? Et il commence à jouer avec. Hein? Voilà. Il ne faut pas prendre la situation à la légère. Et il ne faut pas aussi laisser Shaitan s'accaparer de nous. Dès que tu sens que tu commences des insinuations de Shaitan, tu reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Tu demandes Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver. Et que tu coupes court à tout ça. Imam Ahmed, quelqu'un lui a dit, j'ai le waswas de ceci et de cela. Il lui a dit, coupe court à tout ça. Ses pensées, tu coupes court tout de suite. Tu lui rejettes. Hein? Et tu te préoccupes avec autre chose qui va te servir. فهاد قضية الطلاق عند المسواس راه وقعت بعد العلم جاء انسان قال انا ما عرفت واش طلقت ولا ما طلقت فالانسان اللي كان فيه الوسواس يدير الشيء وينساه ما يقلبش على الاحتياط وما يدير الاحتياط ما يمر فإلا بقى على هذه الحالة ما تدوز الايام ما يبقاش تيحطط Moi, je suis en train de faire une deuxième, tel Allah subhanahu wa ta'ala échappé. Donc, la personne qui est atteinte du waswas doit faire les actes et les oublier. Il ne doit pas prendre de précautions. En agissant ainsi, et en demandant en premier à Allah subhanahu wa ta'ala, ben, les jours, quelques jours vont passer ou quelques mois vont passer, il va se débarrasser de ce waswas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de ce waswas, à du waswas, qu'il nous préserve de du waswas parce que c'est énorme. Hein? Et c'est fatigant. Hein? وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم احسن الله اليكم